بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Toujours dans Ar-Risala de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani رحمه الله. On est arrivé à la parole de l'auteur lorsqu'il dit ولا سيما على السبيان حتى يحتلم الغلام أو تحيض الجارية. Il n'y a pas de jeûne obligatoire aux enfants jusqu'à ce que le petit garçon al-ihtilam. Al-ihtilam, c'est quoi al-ihtilam? Hein? C'est quoi l'ihtilam? En arabe, on dit inzel. El inzel. Les frères, comme elle dit Aïcha, radiallahu anha, ni'mal nisa, nisa ul ansar, lam yamna'hun al-haya an yatafaqahna fi d-din. Quelles sont bien les femmes d'Ansar? La pudeur ne les a pas empêchées d'apprendre la religion. Une femme pouvait demander au messager d'Allah, « Ô messager d'Allah, quand j'ai mes menstrues, comment est-ce que je me purifie ?» En fonction des besoins. Là, c'est pour la religion, il faut qu'on apprenne. Et donc, « El Ihtilam », c'est l'éjaculation. Donc, à partir du moment où le garçon a cela, il est pubère. Et pour la fille, il nous dit le cheikh, donc jusqu'à ce que la fille ait ses menstrues. Et ensuite, il nous dit Wabil boulour, lazimatuhum a'malul abdan, faridatan. Et donc, à partir du moment où ils sont pubères, toutes les œuvres liées aux actes leur sont obligatoires. Toutes les œuvres liées aux actes leur deviennent obligatoires. Ensuite, il nous dit que Allah tabaraka wa ta'ala, elle dit dans son livre, وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْعُلُمُ. Et lorsque les enfants parmi vous atteignent la puberté, فَلْيَسْتَأْذِنُوا, alors qu'ils demandent. Donc il se base sur cela pour dire qu'à partir de la puberté, les enfants sont concernés par les obligations de la législation. Alors, premièrement, concernant ce sujet, il faut savoir que les savants sont unanimes quant au fait, sur le fait que le jeûne n'est pas obligatoire aux enfants. Ils sont unanimes. Il n'y a pas de divergence dans ce sujet. Mais par contre, les sahaba, les pieux prédécesseurs, ils incitaient les enfants à jeûner. Ils incitaient les enfants à jeûner. Et Barakallahu fikoum, ici ça nous rappelle l'importance de l'éducation. En ce moment j'insiste là-dessus dans les sermons du vendredi parce que c'est une amana. C'est une amana que nous avons. Et nous serons interrogés au jour de la résurrection concernant nos enfants. Comment nous les avons éduqués? Est-ce que nous leur avons montré l'importance de la religion et qu'ils doivent s'accrocher à leur religion, faire en sorte que l'argent, que les biens de ce bas monde soient dans les mains, pas dans le cœur? Parce qu'à partir du moment où les biens sont dans le cœur, c'est fini pour l'individu qui devient un serviteur de l'argent. Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, comme on a vu ce matin dans le livre de Kitab al-Tawhid. Et donc il est important, barakallahu fikoum, qu'on enseigne tout cela à nos enfants. Et donc les sahaba, ils incitaient leurs enfants à jeûner. Al-Bukhari, rahimahullah, il nous dit dans son sahih, « Babu sawmi sibyan », le chapitre concernant le jeûne des enfants. Les savants, ils disent qu'il est recommandé donc d'appeler les enfants à jeûner. Cela est mustahab. Pourquoi? Parce que les compagnons le faisaient. Il nous dit, Al-Bukhari, rahimahullah, « Wa kale Omar » Les neshwanin fi Ramadan. C'est quoi neshwan? Neshwan. Omar a dit à un sakran, un homme qui était ivre pendant le Ramadan. Il a bu de l'alcool pendant le Ramadan. Et donc Omar, il lui a dit, « Weylak, malheur à toi, wasi bienouna siyam, malheur à toi, tu bois de l'alcool alors que nos enfants sont jeûneurs. » Nos enfants sont jeûneurs. Et donc ici, il montre que ces gens-là, il n'a pas dit « mes enfants », il a dit « nos enfants ». Et donc les sahabas, ils faisaient cela. Ils pratiquaient cela, le fait d'inciter leurs enfants à jeûner. Comment se fait-il que toi, un adulte, tu es dans cette situation alors que nos enfants jeûnent? Al-Bukhari, il cite toujours dans son sahih, selon Ar-Rubaya, Bintu Mu'awwad, قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية صومه ومن أصبح صائما فليصوم. Et donc elle dit, Rubaya, elle dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a propagé donc un message concernant le jour de Ashura. Celui d'entre vous qui se trouve en état de jeûne, alors qu'il continue son jeûne. Donc celui d'entre vous, qui a mangé ce matin, alors qu'il continue le reste de la journée en jeûnant, il jeûne. Et celui qui a déjà commencé à jeûner durant cette journée, alors qu'il continue ainsi. Alors elle dit quoi, Rubaye? Elle dit, فَكُنَّ نَسُومُهُ بَعْدُ وَنُسُوِّمُ سِبْيَنَنَا. Alors, à partir de là, nous avons commencé à jeûner ce jour et on faisait en sorte que nos enfants jeûnaient. وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ. Et on leur donnait des jouets en laine. فَإِذَا بَكَ أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطِيْنَاهُ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونُ الْإِفْطَارِ. Et lorsque un de nos enfants, il pleurait parce qu'il voulait manger, alors on lui donnait ce jouet. On lui donnait ce jouet et il restait avec jusqu'au moment de l'iftar, la rupture. Et donc, ils incitaient leurs enfants à jeûner. Il est bien que nous aussi, on incite nos enfants à jeûner. Tu donnes des défis à tes enfants. Bon, alors, l'année dernière, tu as jeûné combien de temps? Est-ce que tu as jeûné toute la journée? Non. Alors, viens. L'année dernière, tu n'as pas jeûné du tout. Viens cette année. On essaie de voir si tu peux jeûner jusqu'à Dhuhr. Tu restes de Fajr jusqu'à Dhuhr sans manger. On essaie. On fait une tentative. Yallah, bismillah. On fait une tentative. Et on regarde comment l'enfant avance, etc. Et lorsque l'enfant arrive, Masha'Allah, Alhamdoulilah, tu vois, tu fais Ramadan avec nous. Et ensuite, on rajoute encore un peu. Et ensuite, on rajoute encore un peu, etc. Et donc, c'est important, barakallahu fikoum, qu'on enseigne à nos enfants l'amour de la religion. Qu'on enseigne à nos enfants les actes d'adoration. On n'attend pas que l'enfant ait 10 ans pour lui dire jeûne. Jeûne, il va te dire, oh, c'est difficile, papa, je ne suis pas habitué. Et donc, il faut qu'on habitue nos enfants. Hein? À la salade, à parler correctement, à manger correctement, l'adab islamique, à les mœurs islamiques. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il aborde le sujet des parents qui n'enseignent pas ce genre de choses à leurs enfants. Ils les laissent comme ça. Et ils disent sorry, il est petit, il va apprendre plus tard. Et lorsque l'enfant grandit, que les parents se plaignent. Ils se plaignent de l'ukouk. C'est quoi l'ukouk, le walidé? C'est quoi l'ukouk? Hein? Désobéissance. La désobéissance fait partie de l'ukouk. C'est quoi l'ukouk? Insulter, ça fait partie. Maltraiter. Et donc, le terme el-hukouk englobe tout ce qui n'est pas convenable concernant les deux parents. Tout ce qui n'est pas convenable. Ça, il peut y avoir la désobéissance ou autre. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a interdit de dire à nos parents ouf. Quand tu dis ouf, t'as pas insulté. Mais c'est un mauvais comportement envers les parents. Les sahaba, Ibn Omar et d'autres, ils voyaient que lorsque le père, lorsque un des deux parents, il rentre dans une pièce avec son enfant, que l'enfant doit d'abord laisser s'asseoir son père ou sa mère, et ensuite, en fonction, lui, il va choisir une place. Mais tu ne viens pas comme ça dans le majlis, tu t'assieds toi, et après c'est tes parents qui doivent voir en fonction de l'ordre où tu es assis, où eux vont se mettre. Eux, les sahaba, ils voyaient en ça une forme de manque de respect envers les parents. Manque de respect envers les parents. Et donc certains parents se plaignent du comportement de leurs enfants envers eux. Alors, ils nous citent, ce savant Al-Qayyim rahimahullah, une réplique des enfants envers leurs parents. Aqabtuka kibiran kama aqabtani saghiran. J'ai eu un mauvais comportement envers toi lorsque j'étais âgé, grand, en étant pubère, de la même façon que tu as mal agi envers moi quand j'étais petit. Quand j'étais petit, tu devais m'enseigner. Tu m'aurais enseigné ma religion, tu m'aurais enseigné comment me comporter, etc. Je n'aurais pas fait ça. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, qu'on accorde du temps pour l'éducation de nos enfants. C'est quelque chose qui est primordial. Et ça, on le voit même dans Kitab As-Siyam. Et donc, barakallahu fikoum, on doit profiter de ce mois de Ramadan qui arrive pour montrer à nos enfants l'importance du jeûne. Et parmi les grandes erreurs qu'il y a dans les familles, qui sont propagées dans les familles, et que les enfants apprennent, parce que nos enfants sont des éponges, ils apprennent, tu ne te rends pas compte, et d'un coup, ils prononcent un mot que tu te dis, mais il a appris ça où ? Nos enfants sont des éponges. Et quelles sont les erreurs propagées chaque année pendant Ramadan, que les enfants comprennent? Les enfants comprennent que Ramadan, c'est le mois où on va manger, mashallah. On va manger. Maman, elle va passer toute la journée dans la cuisine pour que le soir, on mange bien, mashallah. C'est ça Ramadan pour les enfants. Pourquoi? Parce que c'est cette image-là que nous, on leur donne de Ramadan. Et donc cette année, il faut qu'on fasse des efforts pour que ce ne soit pas comme ça. Pour que l'enfant, il voit que pendant Ramadan, sa maman, elle est en train de lire le Coran. Elle n'a pas passé la journée dans la cuisine pour préparer un repas. Oui, on prépare le repas, mais on ne va pas passer toute la journée. Et c'est quand est-ce qu'on lit le Coran? C'est quand on est fatigué d'avoir préparé le repas. Et qu'on va lire le Coran, « Khalas nata khalas minhu » pour s'en débarrasser vite fait. Et donc, on montre aux enfants, déjà dès le début, le bon comportement à avoir concernant le mois de Ramadan. Comme le faisaient les sahaba. Question. Donc, vu que là, on parle d'enfants, on parle de puberté. À partir de quel moment l'enfant devient pubère? Mashallah, il y a beaucoup de parents ici. Hein? On est concernés, donc normalement, c'est un sujet qu'on connaît. Quand est-ce que mon enfant devient pubère? Alors, pour la fille, il y a les menstrues. Pour la fille, il n'y a pas que les menstrues. Alors, sha'rul 'ana, et donc, les poils pubiens. Quoi d'autre? À ne pas confondre avec le duvet. Quoi d'autre? Pour la fille? Les formes. Non. Pour la fille, il y a le fait qu'elle soit enceinte. Parce que parfois, il se peut que tu trouves une fille enceinte alors qu'elle n'a jamais connu ses menstrues. Elle n'a jamais connu ses menstrues. Elle est enceinte. Si elle est enceinte, elle est pubère. Qu'Allah nous préserve et préserve nos enfants. Et donc, il nous reste encore un signe pour les garçons. Ça, c'est spécifique aux garçons. Non. Non, non. Ça, c'est pas El Boulour. Il y en a, machallah, ils peuvent garder la voix des années et des années encore. On a parlé de ça tout à l'heure, l'éjaculation pour le garçon. Et enfin, on a 15 ans, les savants, ils ont dit. C'est-à-dire que si l'enfant, au bout de 15 ans, il n'a aucun de ces signes-là qui est apparu, on ne lui dit pas, non, c'est bon, tu continues comme un enfant, on verra plus tard. Non, à partir de 15 ans, on dit stop, ça c'est bon, t'es pubère. Mais j'ai eu aucun signe, Maalish, c'est bon, t'es pubère, à partir de 15 ans. D'accord ? Et donc ça, c'est important, barakallahu fikou. C'est important, parfois certains parents, ils pensent que c'est 15 ans la limite. Leur enfant est déjà pubère depuis 11 ans. Depuis 11 ans, l'enfant est pubère et le parent il est là en train d'attendre 15 ans, il ne plie pas, Maalish. C'est pas grave, il n'est pas encore pubère. Il n'a pas encore 15 ans. Non, 15 ans, c'est la dernière chose. C'est lorsque les autres signes, on ne les a pas encore vus. Ensuite, l'auteur, il nous dit « Waman asbaha junuban wa lam yatatahhar aw imra'atun ha'id tahurat qabla al-fajri fa lam yaghtasila illa ba'd al-fajri ajza'ahuma sawmu dhalika al-yawm. » Et donc il nous dit l'auteur rahimahullah, et celui qui se retrouve après le fajr en état d'impureté majeure. Après fajr, il se trouve en état d'impureté majeure. Et il ne s'est pas purifié. Et ou alors une femme qui a ses menstrues, mais ses menstrues se sont arrêtées avant le fajr. Et les deux, que ce soit cet homme et cette femme, aucun des deux ne s'est purifié. Ou alors ils ne se sont purifiés qu'après le fajr. Alors il dit que ces deux-là, leur jour de jeûne est valable. Leur jour de jeûne est valable. Et donc ils peuvent jeûner, même si ils ont commencé tous les deux leur jeûne en état d'impureté majeure. Al-Bukhari, il cite dans son Sahih, selon Abdurrahman ibn al-Harith, qui a informé Marwan de la parole de Aïcha et Umm Salama. Quelle est la parole de Aïcha et Umm Salama? C'est que كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُزْبِعُ جُنُوبًا مِنْ أَهْلِهِ لَحْتِلَامْ فَيَعْتَسِلْ وَيَسُولُ. Donc la parole de Aïcha et de Umm Salama, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait à l'aube, donc après le fajr, en état d'impureté majeure par la cause de ses épouses, donc un rapport, et elle précisait, ce n'était pas un rêve, ce n'était pas à cause d'un rêve, pour montrer justement, pour éviter toute incompréhension. Donc elle précise, pas à cause d'un rêve. Il se lavait et ensuite continuait son jeûne. Et ensuite continuait son jeûne. Et donc, lorsqu'il a entendu cette parole de Aïcha, Abdurrahman ibn al-Harith, il en a informé à Marwan. Marwan, qui était à cette époque gouverneur responsable de Médine. Alors il a dit à Abdurrahman, Wallahi, par Allah, tu vas en informer Abu Huraira. Pourquoi? Parce que Abu Hurairah radiallahu anhu, il disait que la personne qui se trouve en état d'impureté majeure après le fajr, elle doit rattraper son jour de jeûne. Il est mouftir. Le fait de se retrouver en état d'impureté majeure après le fajr, tu es en état d'impureté majeure. Alors, Marwan, il a ordonné à Abdurrahman ibn al-Harith d'informer Abu Huraira de ce hadith. Abdurrahman ibn al-Harith, il ne voulait pas. Kariha dhalik. Cependant, le narrateur, celui qui nous raconte cela, qui s'appelle Abu Bakr, il nous dit « Quddira lana an ijtama'ana bi dhil Hulayfa ». Allah tabaraka wa ta'ala a fait qu'on s'est rencontrés, moi et Abdurrahman, à dhul Hulayfa. « Wa kanat li Abi Huraira ard hunak ». Et Abu Huraira, il avait un terrain là-bas. Donc on a saisi l'occasion pour aller le voir. Même si Abdurrahman, il détestait cela. Alors Abdurrahman, il a dit à Abu Huraira, il lui a dit, j'ai quelque chose à te dire, mais c'est seulement parce que Marwan, le gouverneur, m'a demandé de te le dire. Sinon, je ne l'aurais pas fait. فَحَدَّثَهُ بِقَوْلِ عَائِشَ وَأُمِّ سَلَمَا. Alors là, il lui a parlé, donc, il lui a cité donc, cette parole de Aïcha et Umm Salama. Alors là, Abu Hurairah radiallahu anhu, il a dit, فَحَدَّثَنِي بِهِ الْفَضْلِ ibn al-Abbas. Il dit, cette information que je dis, quand je dis que celui qui se trouve en état de jeûne au Fajr, alors il doit rattraper son jour de jeûne, ça je l'ai pris de Al-Fadl ibn al-Abbas. Et donc Al-Fadl ibn al-Abbas, lui, il a pris cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ici, comment on fait? On a la parole de Aïcha et Umm Salama, et on a la parole de Fadl ibn al-Abbas. Comment on fait? Non, quand on dit après le Fajr, c'est pas après la prière, c'est après l'entrée du Fajr, le début du temps du Fajr, pas après Salat al-Fajr, après l'entrée du Fajr, c'est-à-dire après que le Mu'adhin ait fait l'Adhan. Le rapport avant ou après? Le rapport a été fait avant. Quand je te dis après le Fajr, c'est pas après la salat. C'est après le dib, c'est-à-dire après le Eden du Fajr. Salam alaykoum. Wa alaykoum salam wa. Après le Eden du Fajr. C'est-à-dire que. Donc, ils ont fait le rapport, ils ont fini le rapport, ou alors même le rapport a été fait en début de nuit. Le rapport a été fait en début de nuit. Après le rapport, ils se sont tous les deux endormis. Et ils se retrouvent. Et c'est le mot Eddin qui les réveille. Ils se retrouvent au Fajr, tous les deux en état d'impureté majeure. À ce moment-là, il fait son rousl et il part à la salat. Mais le jeûne, il commence à partir du Eden. Et donc, il a commencé son jeûne en état d'impureté majeure. Et donc, il faut savoir, barakallahu fikoum, qu'au début, c'était comme ça. Au début, celui qui se trouvait à l'aube, en état d'impureté majeure, il était mouftir. Et ensuite, cela a été abrogé. Et c'est une facilité qui nous a été accordée. Et donc, Al-Fadl ibn Abbas, il ne savait pas cela. Mais par contre, les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elles étaient au courant. Et c'est là qu'on voit un point important. Pourquoi je vous ai cité toute cette histoire ? Pour qu'on comprenne un point important, al-ulama yatafawatun. Les savants se distinguent mutuellement. Un savant va être plus savant qu'un autre dans tel sujet. L'autre savant va être plus savant que le premier dans tel sujet, etc., etc. Et donc, concernant les sujets d'ordre intime, etc., les sahaba, ils revenaient vers les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est elle qui connaissait mieux. Il y a un compagnon qui allait voir Aïcha concernant el-mesh al-khuffayn, la durée durant laquelle on va passer les mains mouillées sur les chaussons. Il allait voir Aïcha parce que Aïcha, savante. Aïcha lui a dit quoi? Elle lui a dit idhhab alayka bi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Va voir Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Parce que lui, il voyageait avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Ali, il connaît mieux ce sujet que moi parce que c'est lui qui voyageait avec le prophète. Et donc lorsque cet homme est allé voir Ali, c'est là que Ali lui a fait la distinction entre la période de Messe quand tu n'es pas voyageur et la période lorsque tu es voyageur. Et donc les savants se distinguent mutuellement. Ce n'est pas une critique de dire tel savant connaît mieux dans tel sujet. C'est pas une critique. Ensuite, parmi les leçons qu'on tire aussi dans cette histoire, Abu Huraira radiallahu anhu, lorsqu'on lui a cité la parole de Aïcha et Umm Salama, il est revenu. Il a délaissé son avis. Et même il a été rapporté de lui qu'il disait, je ne dis pas ça. Lorsqu'on lui dit, est-ce que tu dis que lorsqu'un homme se réveille en état d'impureté majeure, après donc, le début du temps du Fajr, il doit rattraper son jour? Il dit, non, je ne dis pas ça. Et donc il est revenu. Pourquoi? Parce que ces gens-là, le plus important pour eux, c'était la vérité. Imaginez-vous, une personne, c'est un tabi'i. C'est un tabi'i qui vient le voir pour lui dire, tu t'es trompé sur tel et tel sujet. Pourquoi il ne dit pas, moi je suis sahabi, donc tu vas rester à ta place, tu vas te calmer tout de suite. Moi je fais partie de ceux que Allah a dit, radiallahu anhum wa radu anhu, donc doucement. Non, c'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. C'est des gens, ils aimaient la vérité. Peu importe qui vient t'apporter cette vérité. D'ailleurs, c'est à lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sadaqaka wa huwa kadhoub. Il t'a dit la vérité en parlant de shaitan, alors que c'est un menteur. Et donc peu importe celui qui t'apporte la vérité, peu importe celui qui t'apporte une vérité, tant qu'on vient à toi avec une vérité, tu l'acceptes. Tu l'acceptes. Et voilà pour le cours d'aujourd'hui, inshallah ta'ala. On continue donc mercredi prochain. بإذن الله وفق الله جميعا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا.